Nous sommes samedi 4 avril au soir, en direct de l'espace culturel L'Haricot à Saint-Pé-sur-Nivelle, et on sort juste de voir le spectacle Pour le meilleur, interprété par Gaël Gauthier et Arnaud Gidouin, et c'était génial. Gaël, bonsoir. Et bonsoir, merci. Merci beaucoup, mais alors on va pas dire que c'est pas bien alors du coup, parce que vous avez eu d'autres sons de cloche ou non? Ça va? Eh bien écoute, non, d'après ce qu'on a cru entendre, tout le monde était d'accord. Bon, hormis... je sais pas, un gars dans le public qui a voulu faire le malin à faire un cri de bébé, mais sinon tout allait bien. Non, c'est marrant. Bon, Gaël, parce que vous êtes un couple à la fois dans la vie et sur scène. Dans la vie, il est un petit peu comme ça quand même, non? Ah, il est même beaucoup comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il se réveille, il est comme ça. Moi, je le loue, hein, je suis fatiguée. Venez me chercher. Pas très cher, je suis vacciné, moi. Je suis relativement propre et je n'ai plus de cheveux, donc pas de problème de shampoing. Donc allez-y, contactez-nous. Donc le spectacle à ne pas rater, vous allez le rejouer bientôt puisque vous êtes sur le coin maintenant, vous êtes basé, on parlera de votre actualité prochainement le 21 dans les studios, mais on peut juste dire un petit mot sur l'actualité, juste un petit mot parce que le reste on le dira. Oui, on va aller jouer bientôt, là on part à La Roche-sur-Yon jouer, après on a l'Est, avant on fait le Sud encore, la Reims, puis on va à Colmar. Donc on voyage beaucoup et Gaëlle, surtout, elle va jouer son seul en scène à Biarritz, début juillet, au Petit Bijou. Ça, je ne savais pas. Alors début juillet, alors c'est quoi ce seul en scène? Ça s'appelle Vintage et c'est un seul en scène dans lequel je chante tous les tubes qu'on adore, évidemment, qu'on a envie de chanter. Et voilà, en fait, c'est vrai qu'avec Arnaud, on a nos spectacles, on a nos duos. Arnaud, il a son seul en scène aussi. Et puis, à force de m'entendre chanter, il m'a dit, allez, il faut que ce soit ton tour aussi. Donc il me pousse à le faire aussi. Donc Vintage, ouais, à partir de 3-4 juillet au Petit Bijou, c'est là qu'on le rôde, puisque ça nous tenait à cœur de le rôder au Petit Bijou, à Biarritz. Donc si vous aimez les années 80, si vous aimez... Les trucs de vieux. Bien sûr, Gilbert Montagnier, mais c'est les trucs qui marchent, merde. Et ben, chanter, voilà. Mais c'est chanson à lui, c'est-à-dire que... mais tu sais que je le passe aussi dans la radio, des fois. Bien sûr, mais enfin, c'est les plus grandes audiences. Ouais, enfin, les démons de minuit, arrêtons là. Bon, mais très bien. Donc, ce seul en scène, début juillet, t'as dit le 4 juillet ? 3 et 4. Il semble que c'est 3 et 4 juillet au Petit Bijou. Ouais. Bon, de toute façon, si vous voulez en avoir le cœur net, sur la programmation du Petit Bijou, on fait un petit coucou à Virginie et Mehdi, bien évidemment. Qui, et d'ailleurs, allez, juste un petit mot, parce qu'il n'avait pas bien rebondi tout à l'heure sur l'actualité. Je parlais de l'atelier. Oui, parce qu'on ouvre effectivement notre école à Biarritz. On ouvre le studio des arts de Biarritz, une école pluridisciplinaire avec du théâtre, du cinéma, du chant, de la comédie musicale. Et effectivement, on sera logé au Petit Bijou et au Bijou Studio juste derrière. On a bien, bien hâte de ça. Donc, une journée porte ouverte le 13 juin. On a un atelier là pendant les vacances d'enfants, mais il est complet, archi complet depuis quelques semaines, donc on est trop contents. Il y a un bel engouement autour de l'ouverture de ce studio, donc on est très, très, très heureux. Ok, et pour tous les détails, ça sera le 21 avril dans nos studios. Voilà. Vous voyez avec ma femme en général, de toute façon, pour tout ce qui est détail, c'est elle qui s'en occupe. Ah, c'est elle qui gère les détails. Une vision vraiment périphérique et globale, mais pour la micro, c'est elle. Le cadre. Voilà, c'est le cadre. Le cadre. Arnaud, reviens dans le cadre. Merci en tout cas, merci d'être venu, hein, c'était chouette. Bon, mais merci à tous les deux, c'était vraiment top et on vous invite à aller voir ce spectacle et les autres. Bon, celui-là, on vient de le voir, donc on peut le cautionner sans problème, mais d'après ce qu'on a vu, je pense que les seuls en scène doivent être de la même trempe, donc on ne prend pas de risque, à vous les conseiller. Voilà, merci beaucoup. Merci Alain, merci beaucoup. Merci, à bientôt.